de nos jeunes. C'est ce qu'on voulait en début d'année, développer nos jeunes pour qu'on se rende le plus loin des séries. Puis je pense que, en tout cas, à la lumière des résultats qu'on a eus en sept matchs contre une bonne équipe qui est Alma, tous des matchs serrés aussi, donc on peut pas être... Bon noyau sera de retour avec les Castors la saison prochaine. L'an prochain, Danny, quand même une bonne QV qui revient. On perd quatre joueurs d'avant. Notre défensive reste intacte. Donc, nos six défenseurs sont disponibles pour jouer avec nous l'an prochain. Puis, on garde un gardien aussi. C'est de bon augure là, pour l'année prochaine. OK. L'Avalanche du Colorado hier a perdu par la marque de 4-0 contre les Flames de Calgary. Samuel Girard a joué pendant 19 minutes 7 secondes et a terminé le match à plus 1. Et du côté des Aigles de Roberval, ben les Aigles au niveau cadet qui ont perdu 4-1, ils ont perdu la série contre la formation de Pointe-Lévis. Donc les Aigles qui sont éliminés. Je vous invite donc à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé d'abord avec plusieurs intervenants. Robin Bouillard vient nous parler des Castors de Dolbeau. On a également parlé avec Mathieu Caron, Michel Tifo et Dominique Bolduc se sont entendus avec le président de la Ligue du Lac-au-Fleuve. Je m'y suis également entretenu aussi avec David Lamontagne qui parle du hockey mineur de Dolbeau-Missassini. Marie-Christine Allard vient nous parler de la Toboski de Saint-Félicien. Sport local et régional à danradiosport.com. On s'en accueille.